La sensibilité avancée des hommes nouveaux correspond à la capacité de l'être de comprendre sa réalité tout en l'étudiant constamment. Il n'y a pas dans la matière aucune conscience qui peut vivre celle-ci si elle ne développe pas une plus grande présence à la réalité qui la soumet souvent à des pensées astrales ou encore à des éthers vibratoires pouvant jumeler à sa conscience l'infinité des grands mondes invisibles qui ont cours pour assurer l'évolution de la Terre. La sensibilité avancée est une réalité qui permettra à l'homme de saisir froidement qu'il ne faut pas être sensible devant la vie, mais qu'il faut être intelligent devant celle-ci pour s'en protéger totalement. La sensibilité avancée est ce qui amènera l'homme à identifier sa paix et à la soutenir de paravent pour empêcher les forces astrales de pénétrer sa conscience. L'homme, dans les années à venir, fera face à de plus grands déversements des influences astrales sur la Terre, car déjà, on peut constater qu'ils sont très avancés au niveau du cerveau électronique, pouvant mener l'homme à penser que son cellulaire ou encore que les activités du monde de l'Internet sont plus grandes en importance que la gestion qu'il doit faire, lui, de sa vie personnelle de tous les jours. Les avancées de l'astral sont grandes sur la Terre et ne permettront jamais à l'homme de se repositionner dans sa conscience pour saisir quelle est la paix qu'il entend vivre, pour se munir lui-même de force de vie le menant à saisir que tout ce qui est astral voudra le pénétrer. Bien sûr, le phénomène Facebook et tout ce qui est lié aux nouvelles technologies accapare énormément la vie des hommes. Que ce soit la tablette numérique ou encore le téléphone cellulaire, il est remarqué que la descente de ces technologies n'est pas toujours bien gérée par la sensibilité des hommes. Ce faisant, il y a moins de paix dans le mental des êtres humains, car ils sont sollicités d'une manière journalière à répondre à des stimuli qui finalement ne mèneront nulle part, sinon qu'à la perte d'une centricité pour saisir que la paix qu'une personne doit protéger relève autant de son intelligence que de sa perception vibratoire à saisir qu'est-ce qu'une sensibilité avancée pouvant octroyer à l'homme un sceau absolu de protection. Seuls les hommes nouveaux, femmes ou hommes possédant une sensibilité avancée, sauront reconnaître les avancées des mondes astraux sur la Terre. Les débordements à venir provoqueront énormément de remous, ce qui créera dans la conscience des hommes un fardeau supplémentaire qui écorchera sa sensibilité et qui fera des hommes des êtres totalement dépourvus d'une capacité d'intelligence pour savoir ce qui est intelligent de ce qui ne l'est pas. La seule et unique paix que l'homme doit protéger, c'est son mental. Lorsque ce mental est à l'étude de la vie et qu'il ne se fait pas dépasser par des émotions ou de la sensiblerie, qui se résume celle-ci à vouloir faire croire à l'homme qu'il doit souffrir dans la matière pour vivre sa sensibilité, est ce qui amène finalement l'homme à perdre tout centre de gravité, pouvant le ramener dans une intelligence parfaite et continue, qui lui octroiera sans cesse la certitude de pouvoir pénétrer le mensonge. Le mensonge étant grand, soit qu'il amène les individus à se soustraire à des énergies de plus en plus futiles pour essayer de comprendre ce que la Terre doit vivre. Nécessairement, la politique mondiale sera bouleversée, car il y a des enjeux sur la planète Terre entre les pays qui doivent être résolus. La sensibilité avancée des hommes nouveaux les incitera à saisir le positionnement des gouvernements et que celui-ci est nécessaire parce qu'il y a des enjeux de pouvoir qui doivent être détruits, autant entre l'Occident et l'Orient pour que puisse descendre un jour une intelligence universelle sur la Terre qui mènera les gouvernements, non pas à se disputer le pouvoir, mais à être en totale harmonie vibratoire afin d'éliminer sur la Terre les avancées du monde de la noirceur. Pour le moment, cette réalité de bloquer l'astral n'existe pas car la sensibilité avancée des individus n'est pas assez grande pour leur permettre de comprendre qu'est-ce que le mensonge cosmique. Dans une sensibilité avancée, l'homme peut saisir que le mensonge cosmique se résume à trois choses: la désinformation, la manipulation et ensuite l'asservissement de l'ego à une totale ignorance face aux forces évolutives de la vie et aux forces involutives de celle-ci pouvant le pénétrer. Pour qu'une sensibilité puisse se développer et devenir un bouclier contre l'astral, il lui faut, cette sensibilité, trois réalités. Soit que l'ego puisse s'étudier, soit que l'ego puisse être capable d'intelligence, et finalement, que l'ego puisse se réinventer. Lorsqu'on parle de s'étudier, une personne doit voir où elle se fait malmener dans sa vie, et ensuite, elle doit avoir l'intelligence de pouvoir mettre des arrêts progressifs et total à ce qu'elle vit pour ensuite pouvoir se réinventer. Et quand l'ego se réinvente dans sa nouvelle sensibilité, il découvre trois choses également. Il découvre qu'il est seul à vaincre ce qu'il a à vivre, également qu'il ne peut pas se réfléchir et, dans un troisième temps, il doit s'astreindre de l'illusion que les forces de la lumière l'aideront. Dans une sensibilité avancée, l'homme comprend que le seul ingrédient qui peut le protéger de toutes les lois d'évolution, c'est la paix qu'il doit se donner en lien avec ce que lui ne veut plus vivre, et c'est ainsi qu'il se rapproche totalement d'un état mental ne lui servant aucune astralité pour gérer cette paix. Dans une sensibilité avancée, l'ego renoue avec l'esprit de son intelligence qui en lui a fait de lui ce qu'il doit être, un être d'identité, un être qui ne craint pas la vie, mais qui la dompte à force de décisions intelligentes pouvant uniquement lui rappeler à quel point il doit protéger sa paix pour ne pas se faire astraliser dans le processus de la conquête de son identité. Ce qui est à l'homme ou ce qui appartient à l'homme, c'est sa sensibilité. Celle-ci ne peut jamais être retirée par les forces de la lumière car elle appartient bel et bien à l'homme. De plus, l'homme a aussi comme mesure d'intelligence son discernement. Et dans son discernement, il doit pouvoir extraire toute sensiblerie qui peut le pénétrer dans la conscience de son ego afin que cette sensibilité qu'il a se perfectionne. En se perfectionnant, cette sensibilité en vient à ne plus croire à rien. Et l'homme, dans le rejet de la croyance, reste seul dans sa paix parce qu'il n'est plus intéressé à agir directement sur sa vie quand il sait que cette vie ne lui appartient pas, mais appartient totalement aux forces et aux intelligences qui gère la Terre pour l'évolution éventuelle de l'homme. Que reste-t-il donc à l'homme? Il lui reste sa sensibilité pour parfaire avec discernement les contours éventuels de sa paix. Si une personne décide un jour qu'elle ne veut plus être utilisée par les forces d'évolution afin que son ego soit perfectionner davantage dans son processus d'évolution avec la lumière, cela, l'homme le peut. Il le peut parce qu'il rejette tout scénario venant de la lumière et il se dissocie totalement de l'espoir ou de l'improvisation de penser qu'il peut mener la vie qu'il veut alors que celle-ci est totalement assujettie aux forces de la lumière, cherchant à créer sur la Terre un univers totalement intelligent. Il y a entre la sensibilité avancée et la résonance de la lumière au niveau de l'intelligence un écart important. Soit que l'homme ne peut pas pour le moment se dématérialiser totalement, même s'il peut, dans sa conscience et dans des états de télépathie avec la lumière, converser avec eux. Et puisqu'il est assujetti à des lois matérielles, il est entendu qu'il doit se protéger de ces lois matérielles, car elles peuvent être utilisées contre lui pour le mettre en initiation, face à des éléments qui recoupent son ego pour le faire évoluer. Dans une sensibilité avancée, l'homme aura le pouvoir de reconnaître qu'il y a énormément d'interférences, autant évolutives pour le faire évoluer que des interférences astrales pour le pénétrer et l'éloigner de son centre de gravité qui repose essentiellement sur une paix mentale pouvant le soustraire automatiquement de l'impression qu'il a besoin de faire quelque chose pour évoluer. Lorsque l'homme est assis sur sa sensibilité et qu'il en regarde tous les enjeux, il va voir que cette sensibilité se raffine avec les années et qu'elle est aussi, pour lui, une forme de voyance absolue, pouvant le soustraire de la conquête d'une liberté qui n'est pas réelle. Quand l'homme s'assoit dans sa sensibilité et qu'il regarde sa vie, il peut faire à tout instant un recul sur cette vie et en constater les grandes lignes d'intervention qui l'auront fait évoluer vers une conscience de plus en plus définie. De plus, il verra aussi toute la manipulation qu'il y a eu au cours de l'élévation de son mental vers une conscience plus grande de la vie, car cela force aussi en lui la nature même de son intelligence à se perfectionner pour ne plus, dans un ego, vivre la manipulation des plans face à la matière et l'invisible. Quand l'homme est dans une sensibilité très ajustée, il n'est plus manipulable. Il n'est plus manipulable car l'éther de la paix qui se dégage de son mental est beaucoup plus grande que la pensée en énergie pouvant lui faire croire ou l'amener à une vibration autre que la réalité de protéger sa paix. Il est entendu que dans une sensibilité à toute épreuve, l'ego doit être le seul gestionnaire de sa sensibilité et de ses pensées, afin que les pensées qui gravitent autour de sa conscience ne l'amènent jamais à plier les genoux pour faire face à sa réalité. Cela ne veut pas dire que dans une sensibilité avancée, l'homme est épargné par la vie. La nuance est très grande, car dans une sensibilité avancée, l'homme ne demande pas à être épargné par la vie, mais il demande tout simplement à avoir la voyance nécessaire pour saisir toute vibration qui viendra à son mental. La perception vibratoire de l'ego pour la vie change, car ce n'est plus ce que l'ego vit qui devient pour l'homme sa paix, mais bien la gestion de l'ego à saisir que la vie est un processus total d'évolution, ne lui permettant pas, pour le moment, d'être le gestionnaire absolu des éthers qui doivent venir à la Terre pour perfectionner dans l'homme une conscience solaire n'appartenant plus au monde de la mort. La Terre est soumise aux lois d'évolution et elle le sera encore pour plusieurs années. Ce faisant, l'homme, dans une centricité absolue, ne peut que gérer la capacité de ne pas être manipulé dans son mental par des forces de vie anti-homme. Et même si ces forces de vie anti-homme l'amèneront un jour à une plus grande vigilance en lien avec l'astral, il est entendu que dans une sensibilité avancée, l'homme rejettera totalement ses lois. Car les lois de son esprit et de son mental doivent répondre à une seule et unique condition, soit que sa paix doit être plus grande que le discours desservi par les forces de la lumière pour l'éduquer de ce qu'il est. Dans une sensibilité avancée, c'est l'homme qui dira aux forces de la lumière comment sa paix doit le protéger de toute interférence et pourquoi cette paix devient pour lui son bouclier contre toute loi d'évolution voulant le forcer à être autre chose que ce qu'il n'est pas. Cela dit, l'homme, dans une sensibilité avancée, peut explorer la vie de toutes les manières. Il peut télépathiquement communiquer avec les forces de la lumière pour comprendre les enjeux à venir de la Terre tout en étant totalement froid. Et lorsqu'il communique aussi télépathiquement pour interpeller certaines réalités le concernant face à sa propre vie, il lui est possible de saisir les nuances vibratoires des événements et de les placer dans un ordre de concordance qui lui permet de ne pas être surpris par la vie. Il est entendu que l'homme, dans une sensibilité avancée, doit savoir généralement à l'avance comment il procédera avec la vie lorsque les événements arriveront. Il n'est pas réel de croire que dans une sensibilité avancée, l'homme n'a pas la capacité de se réinventer. Il doit, dans chaque événement qu'il vit, reconnaître précisément l'impact d'un événement sur sa conscience pour ensuite être à l'abri de cet impact dans le futur, car c'est dans une sensibilité froide que l'ego monte en vibration et non dans une sensibilité chaude face à un événement ou la vie que cet ego peut se soustraire des lois d'évolution sur sa conscience ou d'involution. La sensibilité de l'homme nouveau sera si avancée qu'elle est la seule source pour lui intarissable de reconnaissance face à la grandeur de son être pour exiger des forces de la lumière qu'il soit sur la Terre totalement respecté au niveau de sa dimension personnelle et impersonnelle en tant que conscience. L'homme est sur la Terre un être mortel lorsque son ego n'est pas en mesure d'élever sa sensibilité à des éthers de vie plus grands. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes qui seront si avancés dans leur sensibilité qu'ils pourront parfaire le discours de l'intelligence afin que les consciences à venir puissent elles aussi se soustraire des influences karmiques de la Terre pouvant astreindre ou écraser une conscience face au chaos qui viendra. Les années à venir seront les plus difficiles et les plus ardues, et ce n'est que dans une sensibilité avancée que l'homme pourra converser avec la lumière et comprendre parfaitement ce qui se passe. La sensibilité avancée est pour l'homme la reconnaissance absolue qu'il doit être en mesure d'identifier sa paix, de la protéger et ensuite de la nourrir d'éléments protecteurs pouvant permettre à l'ego de toujours être bien dans sa peau, même si tout ce qui se passe va mal, lui, il ira bien dans sa tête, parce que dans une sensibilité avancée, il sera averti que tout ce qui doit se produire, et que cela ne doit pas l'affecter. La sensibilité est une vibration unique dans l'homme, parce qu'elle relève de la qualité vibratoire de l'esprit en lui, en lien avec l'intelligence prépersonnelle de l'ego, à découvrir que son identité pour vivre une vie dans la matière ne peut pas être assujettie à aucune autorité autre que la sienne. Et c'est comme cela que l'ego en vient à découvrir sa propre paix avec sa vie et à ne plus la négocier à la baisse, cette paix. Principalement, toute personne qui ne peut pas savoir où doit aller sa vie dans les années à venir ou dans le quotidien est une personne assujettie à des forces autres que sa sensibilité pour lui permettre de saisir quelle doit être sa vie. La sensibilité est ce radar psychique dans l'homme qui lui permet de composer avec les voiles de la vie pour ensuite les déchirer. Dans une étude absolue de sa vie, L'ego verra qu'il a eu dans le passé la sensibilité nécessaire pour prendre la décision qu'il se doit afin que sa vie s'améliore. Ce contact avec l'esprit dans l'homme et l'ego est non pas lié à une force de vie, mais bien à une sensibilité dans l'homme à reconnaître que ce qui se passe en l'homme doit être totalement expliqué un jour. Et c'est dans une sensibilité avancée que l'homme exige des réponses, parce qu'on ne peut pas le soumettre à une vie d'ignorance et involutive éternellement. Se réalisant, l'homme s'appointe dans son autorité et selon la sensibilité qu'il a pour décoder télépathiquement la vie, il en arrive à un discours très tranchant avec la lumière, parce que dans une sensibilité avancée, l'homme peut interpeller d'une manière plus grande les réels combats qu'il doit mener pour que la paix dans son mental devienne pour lui un jour totale et non qu'illusoire ou partielle. En somme, c'est la sensibilité de l'homme qui l'amènera à une totale identité dans la matière, parce que l'homme aura fait de la paix de son mental sa plus grande liberté de conscience, pouvant lui permettre d'être sur Terre un être totalement libre de ses créateurs. La sensibilité avancée de l'homme se résume à ne plus être prisonnier de l'astral ou encore des forces évolutives de vie, parce qu'il est en contact permanent avec sa propre lumière afin d'être intelligent tout le temps. Et lorsqu'on parle d'intelligence et que celle-ci doit s'appliquer à tous les instants, c'est cela qui veut dire être dans une sensibilité avancée, parce que l'ego peut percevoir et sentir son intelligence à tout moment, puisque celle-ci ne le quitte jamais. Se réalisant, l'homme est libre et il sait exactement quel geste il doit poser et quelle décision il doit prendre, parce que cette décision n'a qu'un seul but, soit de protéger sa paix et sa liberté dans la matière. Pour protéger sa paix et sa liberté dans la matière, il est bien entendu que l'homme doit se connaître. Tous les individus ont accès à une sensibilité. Par contre, cette sensibilité n'est pas suffisante dans l'ego pour leur permettre de se distinguer au niveau de la capacité de pouvoir lire les événements et de les décortiquer d'une manière à s'en libérer. Qu'est-ce qui crée donc obstacle à la sensibilité de ces êtres, hommes ou femmes sur la Terre, qui aimeraient bien parfaire leur vie et améliorer celle-ci de valeurs beaucoup plus constructives? Il y a nécessairement la qualité de l'âme qui n'a possiblement pas suffisamment d'expérience vibratoire au niveau de la souffrance pour se permettre ensuite, cette âme, à comprendre que la vie de l'ego ne peut pas être gérée par des forces animiques ou astrales. On entend par force astrale une sensibilité liée à de la sensiblerie ou encore une sensibilité trop chaude qui ne permet pas à l'ego de pouvoir saisir que la vie n'est jamais faite d'injustice. Une personne qui ne peut pas en arriver à faire une lecture de la vie au niveau de la compréhension parfaite que ce sont les événements qui caractérisent une vie et non l'ego qui décide des événements, est en défaut de sensibilité. Il n'y a rien qui arrive dans une vie qui ne soit pas décidé par les plans. En ce sens, la mort d'un proche ou la perte d'une somme d'argent importante ne relève aucunement de la capacité de l'ego à critiquer la vie ou à décider que sa vie n'est pas grande. La sensibilité avancée respectera toujours l'homme, c'est-à-dire qu'elle lui permettra de comprendre l'événement en pouvant aussi se détacher des événements. Il est bien entendu que l'homme ne doit pas se comparer dans cette sensibilité, car la sensibilité de tous les hommes n'est pas la même. Il y a des individus qui n'ont pas la force mentale nécessaire pour affronter la mort ou affronter des événements qu'ils considéreront eux-mêmes tragiques, car cela vient bouleverser de grandes valeurs de vie en eux. Une personne qui, par exemple, donne la valeur de vie à sa vie comme étant celle de la famille, s'apercevra très tôt qu'elle sera testée dans cette valeur, car celle-ci n'est pas réelle au niveau de l'identité cosmique de l'homme. la famille étant simplement des liens qui sont souvent karmiques pour permettre aux êtres d'évoluer seuls un jour dans leur conscience vers une identité et une sensibilité qui les amènera à eux à se respecter. Il n'y a pas dans la famille des sensibilités de même ordre. Parfois, certaines sensibilités se respectent alors que d'autres n'ont pas la capacité de pouvoir percevoir pourquoi, dans une même famille, une personne doit être exposée à de la pauvreté ou à de la richesse. Ultimement, l'homme en arrivera à comprendre que dans une sensibilité avancée, il n'y a pas de théâtre à jouer pour se favoriser et se construire une vie mentale servant l'ego. La sensibilité doit servir la voyance de l'homme et elle doit lui permettre d'être intelligent tout le temps. Il est difficile pour l'homme d'être intelligent tout le temps car il y a trop de positions dans sa vie qu'il ne comprend pas, qui peuvent un jour lui permettre d'être au-dessus de la mêlée. Mais c'est avec la souffrance de vivre des événements qui l'amènent à être en déséquilibre devant la vie que l'homme apprend à étudier sa sensibilité, à la reconnaître et à l'ajuster selon l'ordre vibratoire et la vibration qu'il se doit pour que l'ego puisse prendre le taureau par les cornes et ne pas être malmené par sa propre sensibilité. Il y a des personnes qui vont être très sensibles à la vie, mais ne sont pas suffisamment sensibles à la réalité qu'ils ne doivent pas être vulnérables devant la vie. Être vulnérable étant l'incapacité de l'ego à se distancer des événements que les forces de lumière établissent d'avance afin que l'ego monte en vibration et se donne un statut mental beaucoup plus grand que la vie. La courbe exponentielle de la sensibilité est celle-ci. Elle ouvre le corridor éthérique de l'homme avec la lumière afin qu'il puisse capter dans les infinités de la vie sa propre conscience solaire sur la Terre. Ce faisant, l'homme peut s'asseoir dans sa sensibilité et être très bien dans celle-ci sans avoir à rien faire dans la vie pour être vibratoirement sur la Terre un être totalement intelligent. Être intelligent dans sa sensibilité, c'est parfois de comprendre que la vie qu'on doit mener sur cette Terre sera assujettie à des forces de vie ne menant pas à une liberté intégrale de l'ego dans la matière, alors que cette liberté intégrale sera vécue après la mort sur les plans invisibles parce qu'il en a été décidé ainsi pour gérer les forces de la noirceur sur la Terre en lien avec les forces de vie que la lumière entend faire vibrer pour que l'homme puisse, dans des prochaines vies, être un être totalement solaire et non pas un être incarnationnel assujetti à des lois d'incarnation. Une des grandes réalités de la sensibilité est qu'elle amène l'homme à reconnaître que dans les pas qu'il fait pour se construire une identité, il y a parfois de la tromperie ou de la subjugation pour soustraire l'ego à sa réelle identité lumière. Cela est compréhensible car la Terre, étant elle-même assujettie à des forces de la noirceur, brime à chaque jour l'homme dans sa sensibilité, que ce soit dans le rêve ou par des entrées en périphérie de la conscience de l'homme, qu'on peut appeler des parasites de la noirceur, qui se greffent à chaque jour à la sensibilité de l'homme lorsqu'il ne sait pas qu'il doit protéger celle-ci. Par exemple, une personne qui entre dans un hôpital pour visiter un proche, un ami, doit toujours le faire avec la capacité de se protéger et de mettre autour de sa tête un aura de conscience, pouvant lui donner l'accès automatique à ce qui se passe autour. Dans une sensibilité avancée, l'homme ne se laisse jamais flageller par l'astral parce qu'il le connaît. Il en capte tous les contours et il peut à chaque jour mettre sa vie sur les rails de sa conscience parce qu'il décide dans l'ajustement vibratoire de sa sensibilité d'être très allumé à ce qu'il vit dans une journée. La sensibilité avancée est une sensibilité unique qui peut parfois même amener l'être à vivre de la tristesse en lien avec la grande solitude qu'il doit vivre pour vivre sa conscience. Cette tristesse, les forces de la lumière la connaissent. Et ils en disent ceci. Évidemment, une sensibilité très avancée reconnaîtra toujours qu'elle est très seule dans la matière et que son lien le plus fort avec la vie n'est pas nécessairement parfois l'homme, mais bien l'infinité de la vie, c'est-à-dire la création absolue de la beauté. Et c'est cela qui ramène l'homme aux îles paradisiaques qui un jour habiteront la terre, mais qui ne sont pas présentement sur celle-ci, parce qu'il n'y a pas assez d'identité dans l'homme pour permettre aux éthers de la lumière de faire descendre dans la matière la beauté absolue des mondes invisibles sur la terre. Les îles paradisiaques représentent cette beauté, et elles feront des êtres, hommes et femmes, qui ont une sensibilité très avancée, des êtres de grands privilèges, parce qu'ils pourront, dans une capacité vibratoire, puiser à cette fontaine de jouvence que sera la beauté des terres non pénétrables par la noirceur. Et cela est nécessaire sur la planète Terre, car il n'y aura jamais d'espace libre pour l'homme sans que celui-ci n'ait pas accès dans sa sensibilité à la convergence d'une lumière totale entre lui, son esprit, son ego et la matière. La descente des îles paradisiaques passe par la sensibilité avancée dans l'homme, car si l'homme ne peut pas, dans son milieu personnel, se donner la paix, il ne pourra jamais se la donner à l'extérieur de son lieu de paix. Et pour aller dans le monde, un jour l'homme doit pouvoir amener son soleil et être dans sa sensibilité totalement libre de pouvoir se divertir en tant qu'ego pour que sa vie ne soit pas trop difficile. La vie des initiés, car la sensibilité avancée touche nécessairement toute la profondeur de ces êtres, ces initiés, ces nouveaux hommes qui auront à expliquer et à générer sur la terre suffisamment de lumière pour que les îles paradisiaques puissent se matérialiser. La sensibilité n'est pas un jeu d'ego. Elle ne repose non pas sur un manque d'ajustement de l'ego à ce qu'il vibre, mais à une totale compréhension de l'ego à ce qui vibre en lui. Est-ce son corps émotif, sa beauté, ou encore simplement sa compréhension totale de la vie en lien avec la liberté qu'il veut arracher, mais qu'il ne peut pas parce qu'encore il y a un temps et des ajustements légers ou grands à vivre pour lui permettre de vivre cela. Le facteur temps est un facteur très difficile à vivre pour une conscience qui reconnaît que sa sensibilité doit émettre dans la matière de la beauté. Et pour émettre de la beauté, une conscience ne peut pas s'autoriser à le faire par elle-même si les forces de la lumière n'en ont pas décidé que cela doit se faire. En ce sens, la vie des initiés n'a jamais été vraiment leur vie, puisque la seule valeur pouvant leur appartenir est la paix et la sensibilité d'être intelligent dans leur vie pour être libre de la volonté des forces de la lumière en ce qui concerne la nature exponentielle de l'évolution de celle-ci vers des mondes de beauté absolue. L'isolement de l'initié de toute sensibilité avancée peut amener l'homme à de très grandes souffrances psychiques. Vibratoirement, ces souffrances ne sont pas d'un ordre matériel, car elles sont liées à la simplicité vibratoire que l'homme unique dans la matière doit s'unir totalement à la lumière pour que son unicité vibratoire ne fasse qu'un avec la beauté éventuelle des îles paradisiaques qui doivent descendre sur la terre. Ceci étant dit, il est perceptible que l'homme aura à vivre énormément de chocs pour connaître le radar psychique de sa sensibilité parfaitement ajusté à un ego qui n'est pas en mesure de réfléchir la vie, mais bien à un ego qui se réinvente constamment dans sa vie pour que sa sensibilité devienne de plus en plus un rayonnement de la beauté de son être sur la matière et sur les plans. La lumière doit se faire expliquer par l'homme qui il est, car, puisque sa sensibilité lui appartient totalement, lui seul pourra contrecarrer les grands enjeux de la lumière ou les grandes décisions d'évolution en lien avec le processus incarnationnel de l'âme dans la matière. Une personne qui est en mouvement de conscience a à vivre énormément de souffrances parce qu'elle est seule à vivre l'initiation complète de son ego à la lumière et que cette initiation ne passe pas par de la sensiblerie, mais passe par une sensibilité qui doit s'appointer et s'ajuster pour ne plus être chaude, mais froide, c'est-à-dire que l'ego possède l'étude dans sa sensibilité de comprendre pourquoi il vit une situation. Sans cette compréhension, l'ego ne peut pas avancer dans sa sensibilité et vivre un jour ce qu'il doit vivre, c'est-à-dire une liberté totale et absolue, le conduisant lui-même à posséder dans ses propres mains les clés des îles paradisiaques. Même si ce monde ou ces îles ne sont pas encore présentes sur la terre, l'homme, même s'il est mortel, mais d'une conscience vibratoire, peut les capter, car cette beauté est possiblement, dans sa solitude, ce qui lui permet de plus d'être en harmonie vibratoire avec ce que sont la vie, les forces de vie, les forces de la lumière, l'infinité de la vie et le soleil solaire d'une conscience qui doit totalement lui appartenir du moment qu'elle est en mesure de bénéficier dans sa vie personnelle d'un état vibratoire absolu qui jamais ne le bouscule, mais bien qui, dans sa sensibilité, l'amène à être le radar psychique absolu de sa voyance, pouvant ainsi l'interpeller à une plus grande beauté. Ce faisant, l'homme peut se générer et être dans sa vibration cette beauté absolue des îles paradisiaques, ce qui l'en amène à ne plus souffrir de la vie, parce qu'il est dans la matière, conscient et omniscient de toutes les lois qui la gouvernent, sans jamais se soustraire à l'impression qu'il n'est pas cet homme, ce grand être de lumière. Enfin, la sensibilité avancée est un tremplin géophysique parce qu'elle permet à l'ego d'être au deuxième étage et au troisième étage d'une conscience absolue. Cela voulant dire qu'il n'y a aucun événement, qu'il n'y a pas un événement qui le dépasse parce qu'il est déjà dans sa sensibilité, dans la gestion totale de l'événement. Il n'y a plus de décalage entre lui et les événements parce qu'il ne les considère plus comme personnels, mais bien impersonnels, parce que telle est la seule réalité dans une sensibilité avancée, de voir que la lumière fera toujours ce qu'elle veut et qu'elle décidera du montant ou du compte en banque qu'une personne peut avoir pour vivre sa vie. Les lois d'harmonie que l'homme se donne sont les suivantes. Il veut la paix et pour protéger cette paix, il fera tout en son possible pour le faire. Dans une intelligence à toujours protéger cette paix, il apprend à déterminer la sensibilité qu'il doit avoir pour faire la lecture des événements. Et c'est chemin faisant que l'homme en vient finalement à abattre totalement les énergies de son ego ancien et qu'il est totalement un ego fusionné à sa lumière pour vivre sa vie. Sans cette fusion, l'homme peut toujours être divisible et cela est une grande souffrance pour l'homme dans sa sensibilité avancée parce qu'elle ne l'amène jamais à être dans la beauté interchangeable d'une vie totalement intelligente, puissante en liberté et toujours pourvue d'éther de vie, le gratifiant lui, l'homme ou la femme, en tant qu'être d'intelligence, sachant toujours que la vie matérielle sur la terre n'est pas de tout repos. La sensibilité avancée d'un homme a pour obligation de lui permettre d'être sa beauté, de générer dans cette beauté sa paix, car sinon il sera toujours un être incarnationnel, en lien avec les forces de vie qui ont généré sur la terre la descente de l'âme. L'élimination du monde de l'âme dans l'ego est une réappropriation de l'homme, des éthers, de sa création, pour les jumeler à la beauté de son être. Son être étant ceci, un ego ajusté dans une sensibilité si avancée que l'intelligence qui habite cet ego est prépersonnelle et non pas universelle. Soit qu'elle convient parfaitement à sa paix et à la beauté de son être, parce qu'elles sont l'appropriation absolue de l'homme de ses forces évolutives pouvant lui permettre d'être lui-même un jour un voyageur du temps dans d'autres espaces-temps. La beauté de l'homme dans sa sensibilité avancée est de pouvoir identifier rapidement le taux vibratoire des êtres qui l'entourent et la sensibilité qui les habite, et de savoir si celle-ci peut progresser, évoluer et se raffiner, car sinon, il ne pourra jamais connaître l'homme ou la femme qui se place devant lui s'il n'a pas accès à ce corridor d'énergie pouvant lui permettre de comprendre les difficultés d'une vie matérielle pour certains êtres qui sont sensibles, mais qui n'ont pas la sensibilité d'élever leur sensibilité à une compréhension absolue de leur vie en lien avec ce qui se passe sur les plans parallèles pour les amener, eux, à évoluer. Tout décalage entre la sensibilité de l'homme et son ego peut devenir une forme de sensiblerie, rejetant sur le dos de l'ego sa vie et ne comprenant pas que sa vie ne lui appartient pas, mais qu'elle est totalement soumise à des lois d'évolution et que lui doit en comprendre celle-ci. Dans une sensibilité avancée, c'est cela que l'homme comprend et que finalement, en s'en libérant de cette réalité de vie, il devient absolument libre dans la matière.